j'entends une voix qui vient toute près de moi. Elle chante comme l'eau, elle coule en moi, voix blanche dans mon oreille. Je vois une voix qui fait le tour de la terre, qui met sur la bouche des hommes la voix de toutes les femmes. Je sens monter le souffle de la vie dans toutes les règles, chant du monde dans la voix du cœur. Voix des femmes et voix des hommes dans les voix. Thérapie. but qui n'est pas sauriatique. Plein de choc électrique brandé sur le public. Pour qu'on lui communique toutes les nouvelles techniques de l'éthique qui entre et qui connaît la gamique. Et c'est la maïeutique dans le code génétique. Lavage neuronique, pilule pharmaceutique. Les produits synthétiques qui sont automatiques à changer la mimique de notre république. La politique qui se paye des statistiques pour que ses pronostics changent pour le code civique. Et c'est la mécanique qui fait marcher le cirque. Toutes les bureaucratiques au concret carbonique. Toutes les règles chimériques se trouvent dans des boutiques. Ça font de narcotiques qui rendent métaphétiques. C'est l'ère cybernétique vers l'apocalyptique. L'envolée dans le cosmique vers le préhistorique. De filles sur terre, la vibration d'une voix juste dans la poitrine de l'harmonie, la vocalise des mélodies, la voix lactée dans les l'oiseau s'envole sur les zéphyrs dans l'énergie de la musique.